partit à Rome pour honorer les apôtres et se recueillir sur leur tombeau. Un chevalier de la Normandie vint d'abord à Reims pour avoir la bénédiction de Gervais, de Château-du-Loir, évêque du Mans puis archevêque de Reims, qui le connaissait. Puis le chevalier reprit son chemin et arriva à Rome pour ses oraisons. Il se dirigea ensuite au Mont-Saint-Ange, Monte San Angelo, Italie. En chemin, il fit la rencontre d'un ermite qui lui demanda s'il connaissait l'archevêque de Reims. Puis l'ermite lui dit « Gervais est mort ». Surpris, le pèlerin demanda à l'ermite comment il eut cette nouvelle. L'ermite répondit qu'après avoir passé la nuit en prière, il avait entendu une foule marcher le long de sa cellule en faisant beaucoup de bruit. Il avait ouvert sa fenêtre et demandé où ils allaient. Et l'un d'eux avait répondu « Nous sommes les anges de Satan. Nous revenons de Reims où nous avions emporté l'âme de Gervais. Mais on vient de nous l'enlever à cause de ses bonnes œuvres. Ce qui nous fâche cruellement. » Le pèlerin remarqua le moment où il apprit tout cela, et de retour à Reims, il se trouva que l'archevêque Gervais avait expiré au même moment.